Jusqu'à la mort, Jésus, la gloire, le roi, fille notre Les clauses du gouvernement n'étaient pas favorables aux peuples. Oui. Okay. Et maintenant, c'est comme si vous avez déjà planifié. Par rapport maintenant, le ministère est un peu plus tard. Au budget, au local de nos finances. On imposait. Oui, tu ne pouvais pas bouger. Et par la suite, maintenant, mon épouse était malade. On s'est rendu dans une clinique. Et après, on s'est fait consulter. On est sorti de là. Les membres du gouvernement nous ont donné une voiture pour nous accompagner. Après, nous sommes occupés quelque temps en chemin. Le chauffeur nous a abandonnés. Et à côté de moi, il y avait mon cousin. Comme lui connaît conduire, nous avons pris la continuité. Arrivé quelque part, il y avait le contrôle en chemin. Ils sont venus donc maintenant, puisque c'était une voiture de l'administration. Ils ont demandé que qui est le chauffeur de ce véhicule. Et il paraît qu'ils ont ressenti, ils savent. Qui est le qui doit être conduit. On leur a fait savoir qu'ils nous ont abandonnés. Et comme il y avait la dame qui était souffrante, il fallait qu'on rentre rapidement à la maison. Et maintenant, eux, ils sont montés à bord, ils ont pris les choses en main. Arrivés à un moment, ils nous ont aussi abandonnés. Et c'est comme ça que je suis sauté. Qui d'autre? Vous avez dit bonsoir. Hein? Dites-vous encore bonsoir. Hein? Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Vous allez bien? Ça va? C'est Marie, n'est-ce pas? Ça va bien, n'est-ce pas? Qui d'autre? Quelqu'un qui peut quelque chose à dire? Quel homme n'a pas retenu la partie qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui est en train de se faire, qui

Mais le pain qu'on reçoit pour le Cameroun, quand le bribe que vous avez dans le songe, que Dieu vous montre au départ et dans le songe, c'est le signe que le jugement est sur ces pays. Un effet, j'étais assis ici en train de causer avec le frère, on comprenait comme ça, il n'y avait rien. Subitement, le tonnerre a fait boum, j'ai entendu ce qu'il a dit là. Il dit le bâton est levé sur le pays. Mais qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Dieu cherche à faire part des avertissements pour que les gens prennent le temps de se repentir et d'aller au-devant de lui. Vous suivez ça, hein? Que les gens se rangent. Il dit ici, nous espérons en l'Éternel. Il dit qu'il observe tous les fils de l'homme. Il dit qu'il ferme le cœur à tous. Il observe chacun. Il entre dans les actions de chacune des personnes. Donc les gens qui font la sorcellerie dans la nuit, comme pendant qu'on est ici, il y a des gens qui sont en bois de nuit. Donc ils se préparent pour sortir. Les femmes qui se voient à se tromper le mari, Dieu au ciel, ils voient. Ceux qui vont sortir au lieu d'aller créer des accidents, chercher des maladies, les gens qui vont faire la revanche, tout Dieu connaît tout cela. Les projets qui se forment dans les eaux, plus bas que les eaux, là-bas, Dieu voit. Alors lorsque le message sort comme ça, vous avez comme une personne que peut-être on parle, on dit qu'il faut qu'on fasse comme cela. On cherche à avoir accès. Plusieurs fois dans ce pays, si j'ai envoyé le message jusqu'à la présidence. Lundi dernier, il y a un frère qui était ici, avec qui on causait de cela. J'ai encore pris le téléphone, j'ai appelé un de mes contacts. Il a dit qu'est-ce que tu peux avoir accès au président de la République. Le dernier message, est-ce que tu lui as donné? Vous savez ce qu'il m'a dit? Ça, ce sont des choses. Je vous le dis parce que vous êtes les miens. Pour que quand les choses vont arriver sur ce pays, vous savez ce qu'il en est. Il m'a dit, patientons jusqu'en janvier. Parce qu'il a comme impression que les gens qui sont autour de lui ne veulent pas de son bien. C'est parce que c'est là devant le frère, il était là. Il a pris le téléphone, j'ai appelé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ait ce message-là? Il dit que je garde le message encore. Il y a un autre message. Je vous avais dit, voici le message pour le président de la République. Sinon, c'est comme ça. Le sinon, là, il faut le dire face à face. Il faut qu'il entende cela. Vous savez, je veux qu'on organise un jeûne et prier pour le camp de la repentance. La solution n'est pas politique. La solution n'est pas militaire. Les gens sont opprimés. Mais il y a des esprits derrière qui sont nés de travailler ainsi. Alors dans la Bible, ouvrez un chronique, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Un chronique chapitre 21. Un chronique chapitre 21. Vous êtes les bienvenus. J'espère qu'on n'avait pas traversé ce qu'on tombe en 2017 quand vous êtes venus là nombreux là. Sinon vous venez recevoir la bénédiction pour commencer l'année. 1 Chroniques chapitre 21. Ne demandez pas penser quand il va faire de telles choses, que Dieu vous bénisse cette année-ci. Il ne fait pas de telles choses. Gardez la parole de Dieu. Il n'y a pas de jour où on a été béni. Un autre jour où on n'a pas été béni. On a dit dans cette somme 33 que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il n'y a pas de condition. N'essayez pas de recevoir le message WhatsApp qui envoie ça à 20 personnes, tu seras béni. Ça n'a rien à voir. Que si tu envoies ça à 20 personnes dans 10 minutes, tu vas recevoir tes bénédictions. Vous avez reçu quelque chose de 10 minutes plus tard. 1 Corinthiens chapitre 21. Attendez, voilà. 1 Corinthiens chapitre 21. On y va. Amen. Satan se leva contre Israël. Vous y êtes avec moi. 1 Corinthiens chapitre 21. Ce même passage-ci. La chose qui est racontée dans ce livre de 1 Chroniques chapitre 21 se retrouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. Si vous lisez les 9 premiers versets de 2 Chroniques chapitre 2 Samuel chapitre 24, le verset 1 au verset 9. Là-bas, on dit la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Ici, on dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Lorsque vous lisez ces deux passages, vous avez comme l'impression qu'il y a une contradiction parce que clairement, remarquez, je vais qu'on lit, on va lire le verset 1, préparer le 2 Samuel, comme j'ai dit là, je suis en train de parler du pays. Je suis sorti de la chambre pour vous parler encore du pays. C'est encore du pays parce que les atrocités sont prévues. Les atrocités, ça ce sont les esprits. Et plusieurs fois dans les enseignements, j'avais dit, j'étais en train de voyager sur Yaoundé quand le Saint-Esprit m'avait dit, avant les événements de février, il a dit, lève-toi, prends ta première écrit. Je me suis relevé, j'ai dit, mais. Je voyais que c'est celui qui était devant moi qui me réveillait, ou bien à côté de moi. J'ai vu que tout le monde dormait dans le bus. Je ferme encore les yeux, il dit, lève-toi, il me lève. Il dit, prends ta plume. J'avais mon petit sac devant moi, j'avais une enveloppe. Vous savez, quand on soulève l'enveloppe là, la partie de l'intérieur, ce n'était pas que j'avais. J'ai pris ma plume, j'attendais, il dit, un événement se prépare sur son pays, ce sera bref, mais terrible. Je vais adoucir cela. Après, j'ai donné le détail de ce qui s'est passé en février là. Ce sont des esprits qui étaient là. Puis maintenant, un des jetés, j'ai dit que j'ai vu encore un autre événement. Là, ce n'est pas encore arrivé. Là, ce qui arrive, ce que j'ai vu, c'est télépassé les démons que j'avais vu en 2008, il y en avait trois. C'est trois seulement qui sont devenus en avril là. Vous voyez, les gens sont dans la rue, font n'importe quoi. Vous croyez que ce sont les êtres humains qui sont de faire. Mais on est manipulé. Regardons, c'est un exemple que je vais voir là. Vous avez ouvert deux collègues, deux Samuel, chapitre 24, n'est-ce pas? Mais ouvrons cela en parallèle donc. Permettez-moi également d'ouvrir dans 2 Samuel chapitre 24. Je vais vous les premiers versets seulement pour que vous voyez. 2 Samuel chapitre 24 dit au verset 1, regardez, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Littéralement, quand vous voyez ici, vous voyez que la personne qui a excité David, il s'agit de Dieu. Vous avez vu ça? Maintenant, quand on lit comme ça, vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Vous croyez que c'est la contradiction. Maintenant, regardez le 1 Chroniques. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. On a un problème ici. On dit ici que c'est Satan qui a excité David. Ici, on dit que c'est l'Éternel parce que la colère de Dieu s'est levée et il a excité David à faire le dénombrement. Et c'est le même événement qu'on a mis le décrit là-bas. Donc, il y a quelque chose à comprendre. La question c'est, qui a excité David? Pourquoi David se laisse subitement à faire le dénombrement? C'est son général de l'armée, il va quand même, on va voir comment on va aller tout à l'heure là, il va appeler son général, se dit à ses enfants de se taire. Quand il va demander à son général d'aller faire les demandes d'Israël, le général savait qu'il venait de prendre une mauvaise posture devant Dieu. Souvenez-vous, les desseins de l'Éternel s'accomplissent sur chaque peuple, et le peuple donc la nation de l'Éternel. Donc le général savait que le chef de l'État devait prendre une mauvaise décision. Dieu avait donné de façon exprès qu'on ne doit pas compter les enfants d'Israël parce qu'ils seront comme le sable de la mer. Donc, c'est ce que vous appelez ici, on fait les, vous savez comment, le recensement, voilà. Donc le recensement, on dit qu'on veut savoir combien de Camerounais il y a. Pour Dieu, c'était interdit de compter le nombre d'Israël. Tu es qui? Tu veux savoir pour quoi? Il te sert à quoi? Un connu, non? Verset 20, chapitre 21, Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. De l'autre côté, on dit que c'est l'Éternel qui était en colère. Et il excita David à dire, va faire le dénombrement de Juda, d'Israël et de Juda. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, quelque chose s'est passé. Si vous comprenez l'histoire des gens, vous pouvez savoir donc ce qui s'est passé. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui reçoit le message de Dieu, il chante dans les psaumes. Les psaumes qu'on a lu là, tout à l'heure dans le psaume 33, comme on l'a écrit, il reçoit le message de Dieu. Mais ici, Satan l'excite à faire un mauvais choix. Un roi du pays, sachant que la conséquence sera sur le pays, suivant l'événement dans le blanc. Verset 2 du 1 Chronique 21. Et David dit à Joab, Joab était un des chefs des armées, donc le général, et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-moi afin que je sache à combien il s'élève. À quoi est-ce que ça lui fait? Ok, on dit, il y en a 4 millions d'Israël. Et ça lui fait à quoi? Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Donc, compter le nombre des enfants d'Israël est un péché. Vous avez vu ça, frère? Remarquez bien qu'il ne dit pas que David pêche, il dit qu'il fait pécher quoi? Israël. Un péché qui englobe tout le pays. On va aller jusqu'à un niveau de nous pour vous donner comprendre comment Dieu agit, le fonctionnement de Dieu, la façon qu'il agit dans les nations. Et puis, il va encore revenir sur le Cameroun. Regardez, le général essaie de raisonner comme ça David. Mais David était sous la coupe de l'oppression. David était sous la coupe de l'oppression, des puissances. On dit clairement que Satan se leva contre lui. Donc, Satan, il était là physiquement, dans le palais, on va David et Joab en train de causer. Sur le plan spirituel, Satan en train de pousser David à prendre une mauvaise décision, sachant que Dieu va se tourner contre lui, le jugement. Maintenant, verset 4 dit, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Donc il allait faire le tour. Joab remit à David le rôle du demandement, c'est-à-dire le résultat, n'est-ce pas, du demandement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. L'ordre du roi, du président, le discours, faisons ceci, voici la politique d'ouverture, assionnée sur une table. Vous savez que ça ne peut jamais marcher. Ça ne marchera jamais. Ça veut dire quoi, ils sont les palais, n'est-ce pas, frère? cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Vous voyez effectivement que c'était Dieu qui avait fait, Dieu ne peut pas lui demander d'aller faire une chose et ne frapper pas la suite. Donc quelque chose s'est passé. Satan a demandé l'ordre à Dieu de le séduire, d'entrer pour le pousser à le faire. Et voici dans comment Dieu va se comporter. Vous voyez, maintenant, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Remarquez bien, il n'a pas frappé David, il a frappé Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. Compter le nombre des gens qui sont en Israël est un grand péché. En faisant cela, maintenant, donc pardonne l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voici donc là on appelle l'homme selon son cœur. Voici un président, quelqu'un qui dirige le peuple, lorsqu'il voit qu'il a tort, il demande pardon à Dieu. Comment Dieu ne peut pas recevoir un genre de pays? Alors là, on est dans les ténèbres, juste au point. Verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Donc le voyant, c'est le prophète. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose trois fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. C'est Dieu qui dit à David. Le prophète va lui dire qu'il choisit. Voici les trois solutions. Il choisit un. Quand il va choisir, on va frapper. Regardez bien. Remarquez bien que l'ordre de Dieu, ou bien le message de Dieu, dit, va dire à David, je te propose trois fléaux. Choisis-en un. Quand tu vas choisir, je t'en frapperai. Ça, le fléau concerne David. Donc c'est dans son cahier de charge. C'est dans sa conscience. C'est dans sa destinée. C'est dans son livre. Ça le concerne. C'est sa responsabilité. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou trois années de famine. Il pose la question. Les trois années de famine, c'est le palais de l'unité qui vont souffrir. Non. Je pose la question. Non. S'il y a trois années de famine dans le pays, c'est le président qui souffre. Non. Ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. On dit pas, on te détruit pendant trois mois. On sera en train de détruire le président de la République. Non. Et atteint par l'épée de tes ennemis. Ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Si le paix de l'Éternel dans le pays, c'est le palais que ça touche. Alors la question c'est, Gad va lui dire maintenant, vois maintenant et dis-moi ce que je vais aller dire à celui qui m'envoie. Là, la question c'est, les trois fléaux, on dit que choisis et je t'en frappe. Ça ne touche pas la personne qui est coupable, ça touche plutôt les gens qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé. La question c'est, pourquoi Dieu agit-il ainsi? Continuons souvent la chose. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, lorsque Dieu utilise un homme pour châtier un autre homme, vous avez vu, si vous voyez le cas de Nebuchadnezzar, qui est entré à Jérusalem. Dieu a livré tout Israël entre les mains de Nebuchadnezzar. Dieu était obligé de punir encore Nebuchadnezzar parce qu'il a dit que j'étais utilisé comme un marteau pour frapper mon peuple, mais tu l'as frappé avec toute ta rigueur. Ça n'a pas eu pitié. Donc, je dis à quelqu'un qui va frapper. Il donne pas, il dit non, je ne t'ai pas demandé de frapper fort comme ça. David connaît cela. Il dit que je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que ses miséricordes sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, David craint, a peur des hommes plus que Dieu. Vous savez, quand on était à l'école, quand tu faisais quelque chose, on dit table d'indication, tu ne sais pas réciter. Après, le professeur dit à ton voisin que lève-toi, que donne-le un juste. Tant. Si tu donnes un peu, il dit que tu ne tapes pas, tape. Tu vas entendre ton voisin te mime comme ça, tu comprends la prochaine fois, tu ne vas pas me donner de l'air, n'est-ce pas? C'est comme ça que David veut. Il dit que quand on tombe entre les mains de Dieu, mais qu'on ne tombe pas entre les mains des hommes, parce que les hommes, quand ils te traitent vraiment bien. Parce que si Dieu, enfin, chaque fois, si vous lisez, quand Israël a péché chaque fois, et que Dieu lui permet qu'un pays vienne traiter Israël. Par exemple, ils ont traité Israël, même Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est levé chaque fois pour dire non, assez. Suivons ici. Verset 14. L'Éternel envoyant la peste. Vous voyez, il a fait son choix. Dans les trois fléaux qu'on a produits, il a dit que il a choisi, c'est que c'est Dieu qui va frapper. Dieu, verset 14 dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Frère, regardez-moi très rapidement pour que je parle. Nous sommes ici par exemple à Douala. Le palais de l'été c'est tout où? Yaoundé. Quelqu'un a dit dans le sens que les décisions qui étaient prises à Yaoundé, que le peuple n'était pas content de cela. Quand les décisions sont prises, nous sommes ici réunis. Vous savez ce qui se passe dans les réunions? Vous savez ce qui se passe dans les clauses? Vous savez les missions qu'on a envoyées dans les ténèbres? Pas dans le monde des ténèbres, à la nuit, les missions pour parler et que des gens ont pris de l'argent? Est-ce que vous le savez? Maintenant, lorsqu'on va sortir sur la de la télévision, vous avez tout cherché, dit, on a trouvé un compromis, on a fait ceci. Soudain, je vous avais demandé de prier depuis l'année dernière, de prier pour les gens qui se lèvent pour dire quelque chose et que les gens ne les suivent pas. Vous vous souvenez, je vous ai prié une fois, que les gens vont se lever pour dire, voici ce que nous revendiquons quelque chose. J'avais dit ça, pas vrai, frère. Pas une fois, pas deux fois, que prions pour que les gens ne suivent pas cette mode d'ordre-là, de suivre des gens. Et j'avais dit, lui, en disant, lorsque il y a révolte, les chefs sont nombreux. Et j'ai dit, telle chose va être sortie pour la revendication. J'avais dit ça, frère. J'avais dit ça, pas vrai. Que quand l'une des personnes va se lever pour réclamer telle chose, une autre personne va se lever, on y aura plusieurs chefs. Et voici ce que Dieu a dit, que ça va arriver sur le pays. Quand il y a révolte dans le pays, les chefs sont nombreux. Donc il y aura plusieurs cellules, plusieurs épicentres des problèmes. C'est ça qu'il t'allait dire. Il y aura épicentres des problèmes. Quand il y a révolte, les chefs sont nombreux. J'ai dit, prions pour que les gens ne suivent pas le mot d'ordre. C'est ici. C'est à ce niveau qu'il faut accentuer la prière. C'est sur les gens. C'est-à-dire que les discours sont loin. Les discours, quand vous voyez quelqu'un, c'est bien, il porte. Je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire. Quand quelqu'un est déjà un homme qui rallie la foule derrière lui, il est sous la couverture d'une puissance. Vous me comprenez, frère? Quand quelqu'un fait un discours, ce n'est pas quelque chose de simple que de dire, sortons, même si on doit mourir, on meurt. Quelqu'un sort dans la rue, déchire ses habits, commence à mettre le feu là-dessus, il crie. Tu lui demandes, tu l'arrêtes dans la rue, tu dis que tu sors vraiment pour pourquoi? Lui-même se réveille, il dit, mais qu'est-ce que vraiment je sors? Pourquoi? Il est envoûté. Il est envoûté. Lorsque je suis allé à la présidence, je ne sais pas, en 2009 ou 2010, comme ça, j'ai donné les choses que Dieu m'avait demandé de donner. J'ai écrit, il y a une brochure, je ne sais pas, certains d'entre vous avez ces brochures. C'est quoi? C'était dans le moment où il y avait le printemps arabe. J'ai écrit cette brochure-là et j'ai mis dans le document que j'ai envoyé au président, le titre était « La bonne gouvernance face à la révolte ». Je vais vous en donner encore. « La bonne gouvernance face à la révolte ». C'était pour en présenter ces choses-ci. Et puis, dans cette bonne gouvernance face à la révolte, j'ai dit la part du président de la République, ce que le peuple doit faire. Quand il y a ces choses-là, quand il y a les tensions, la solution, ce n'est pas la révolte. La solution, ce n'est pas de descendre dans la rue. C'est vrai que c'est difficile de faire comprendre aux politiciens, aux syndicats et les gens qui passent. Chacun profite dans ces choses-là pour faire leurs intérêts. Quand on dit les grands bandits sont là derrière, ils profitent pour casser les magasins. D'autres sont là pour l'armée aussi, là, il y a beaucoup dans l'armée qui n'attendent que des moments comme ça pour descendre. Quand ils rentrent dans la maison, ils te tapent l'âme comme ça, tu as caché l'argent haut. Quand ils ont le bandit ici, ils donnent. J'ai un ami qui faisait tout ça. Il les met l'endroit où on dit qu'elle est raflée. Quand il rentre chaque fois dans son camouflet, il y a l'argent partout. Il y a un autre qui c'est le faux qu'on lui donne pour le tromper. Il n'a pas le temps de compter, il met seulement là-bas. Et quand il rentre, il enlève la poche de poche, il se dit que le gars qui m'a donné il a donné les faux pièces. Il dit que la prochaine fois quand il va l'attraper, il va le dire. Deux hommes comme ça, tu tapes la ceinture, tu tapes, avant de dire, couche-toi. L'argent est aussi, avant de donner l'argent, tu ne comprends pas. Il dit que quand les bandits viennent, vous voyez, quand il y a ces révoltes-là, chacun est en danger. Chacun est en danger. Parce qu'il suffit qu'on te dise, quelqu'un qui ne t'aimait pas de dire que celui-ci fait partie des membres du groupe de ceux qui révoltent. On va dire n'importe quoi, tu vas dire n'importe quoi. Quand tu as d'abord attrapé, on peut te tuer comme ça, on appelle ça les dégâts collatéraux. Plusieurs sont morts comme ça. Plusieurs sont morts. Il y a des événements de ce qu'on appelle les neuf disparus de Bepanda. Quand il dit chaque fois ici, il y a des choses qu'il peut dire qui peuvent secouer ce pays ici, des événements que je sais. Que on a pas besoin de prendre, mais il y a des gens dans le pays où, à l'instant où j'en ai parlé, il te dit, telle personne se trouve à tel endroit, on part là-bas, on peut le chercher, là-bas, tel endroit, on peut le chercher, là-bas, tel endroit, on peut le chercher. Mais c'est pas mon rôle de le faire. Mais ici, on raconte des bobas, on dit des choses, on fait des choses, dans la presse, on dit des choses, le pays on prend. Je vous ai dit que votre renseignement, c'est pas la télévision, le journal ne vous dira jamais la vérité. Le journal que vous lisez ne vous dira jamais la vérité. Restez devant le Seigneur, agir de vous sur des choses. Il dit, quand il y aura la révolte, les chefs seront nommés. Prions donc que les consciences ne soient pas manipulées. Que Dieu parle à leur conscience, qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas et acceptent de suivre ce premier d'ordre. C'est ce qu'il avait demandé qu'on prie. Et c'est comme ça qu'on va prier. D'accord, frère? Alors, ici, on dit donc que la peste, verset 14 de ce livre de 1 Corinthiens chapitre 21, on dit que la peste s'est fondue et que ce jour-là, elle s'est tombée combien? 70 000 hommes d'Israël. La question que je pose, c'est qu'est-ce que ces gens-ci ont à voir avec la décision qui a été prise en haut? Là, la question. Vous devez rester à la maison comme ça, là, si vous voyez quelqu'un, vrrr, pom, il tombe une main. 1, 2, 3, 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 frères. Personnes qui sont mortes à cause d'une décision de qui? Il a considéré ces 70 000 personnes qui sont décédées. Toi, la personne qui est décédée parmi, il savait qu'il devait mourir. Alors maintenant, continuons seulement, regardez. verset 15. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire ta main, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Mais regardez bien. Ici, on n'a pas dit que ce sont les démons qui sont allés frapper. On a dit que c'est l'ange. Il se tenait là. Mais personne ne voyait. Je veux qu'on comprenne ce qu'il y en a l'implication. À Jébus, là-bas, là où David va aller conduire sur le, dans l'air d'Ornan des Jébusiens, là, c'est là-bas qu'on va construire plus tard cette chose-là. Alors, il se tient là-bas. L'ange est à Jérusalem, en plein milieu des gens, il lève son épée comme ça sur le pays. Les gens sont allés mourir. Il ne coupe pas dans le mur, il tape quelqu'un, non. Il fait comme ça, dans la direction de Jérusalem. Les gens sont allés mourir, il fait comme ça. Les gens sont allés mourir, un à un. C'est les cris, les lamentations partout. Ça, sur le plan spirituel, on a nous raconté que l'ange était là-bas. Mais ceux qui sont physiquement, qui sortent pour aller pisser, pour aller manger, pour aller, ne voient pas l'ange. Voient les conséquences des choses qui se passent sur le plan physique. C'est ça. Il voit les conséquences. Donc, l'être naturel se contente des choses naturelles et il a les informations sur le plan naturel. On dit que les anglophones ne pas là-bas. Ils font pourquoi? On a négligé les provinces, il y a dislocation des choses. Ces choses-là sont vraies, mais c'est la récupération sur le plan spirituel. Parce que ce sont les données qui sont là pour le jugement. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde depuis, qu'on sait effectivement que c'est une bombe. Vous savez, quand on trouve une bombe antipersonnelle, quelque part, la mine antipersonnelle, on récupère les données, enlève la poussière avec douceur. Vous voyez, même de toute façon, juste que ça explose. Et c'est ça qui, on a des mines antipersonnelles de part et d'autre dans la situation, de part et d'autre aussi. Regardez seulement ceux qui sont au port, pour que les gens viennent au port pour investir, combien les gens dépensent au port, combien ils disent pour sortir au port, et tout le monde sait. On fait, et tout le monde dit, et on sait qu'il y a des quartiers de douaniers. On dit, comment s'appeler? Denver, c'est quoi? Denver. Le pont. On dit que voilà la maison des douaniers. Tout le monde sait que voici un douanier. Ils sont, même les moins gradés, sont un immeuble. Et tout le monde sait que c'est pas normal. Comment quelqu'un qui est ces gens peut avoir un immeuble de 500 millions? Expliqué. Tu veux le sortir, tes galons sont encore propres. L'espace de 4 mois, tu as un galon. Tu as un immeuble de 500 millions. Et pas un, pas deux, pas trois. On sait que ce n'est pas normal. L'article 66 dit clairement que les gens qui sont nommés dans ce poste-là doivent faire l'état de leur bien à l'avant et après. C'est là, on doit appliquer la constitution. Personne n'applique. Voilà les bombes de fragmentation qui sont les mines antipersonnelles qui sont déposées. Pourquoi donc on ne veut pas appliquer et on applique d'autres parties? Mais c'est pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Je suis en train de dire ceci, c'est qu'il y a des choses que si les gens ont des conseils, c'est comme j'ai dit dans cette brochure que j'ai dit, la bonne gouvernance à la réponse, j'ai écrit à la fin, comme Daniel était près de Nebuchadnezzar et de Darius, il a dit que oh Darius, il a dit à Nebuchadnezzar, il a dit à l'autre, il a donné le conseil en disant oh Nebuchadnezzar, c'est pourquoi, quand Daniel a vu ce qui arrivait à Nebuchadnezzar, il a dit que suis mon conseil, éloigne-toi de tes péchés, fais la paix avec Dieu, éloigne-toi de tes péchés pour que ces choses soient changées. C'est ce qu'il a. Je crois qu'on va y aller tout à l'heure maintenant. Alors quand il a dit cela, le connaisseur n'a pas tenu compte. Ce qui était prévu pour arriver est arrivé. Pour que nous l'enlignions. Où est-ce qu'il en est, frère? Donc les gens ne veulent pas. Il faut qu'il y ait des conseillers. Pas les conseillers des politiques où on dit là de mentir, il faut dire au chef de l'État. On se baisse. Non. Normalement, on ne peut pas se soumettre à l'homme comme ça. Chacun doit prendre position dans son travail. C'est pas sûr que je suis nommé quelque part. Même si un ordre vient de quelque part, que laisse passer telle personne. Ce n'est pas la norme ici, sur votre respect, ce n'est pas la norme. C'est pas la norme. C'est pour ça que j'ai du respect. J'ai un de mes amis avec qui je travaille, qui est à la DSP, à la présidence là-bas. Lorsqu'il était de garde un de ces jours, je vais à Londres, je dors chez lui. Il va au palais de l'unité. Il me dit que si tu viens là-bas, comme on rit ici à la maison, là-bas, tu ne me reconnaîtras pas. Je crois que c'est la blague. Je crois que c'était la blague que vous donnez dans le. J'ai pris contact, mais quand j'étais premier, j'étais deuxième. C'est le garde du corps de présence qui court en veste là. Quand il est là-bas, on te dit que c'est lui, tu vas dire non. Les Français sont venus là-bas un jour, ils avaient rendez-vous le président de la République, ils étaient trois. Deux étaient bien dûment habillés, l'autre était habillé en culotte, avec la babouche. Il a pris les cadres d'intérêt, il a regardé, vérifié s'il y avait rendez-vous, il a vérifié. Il a dit, vous entrez, celui-ci n'entre pas. On croit que c'était la blague. J'en ai rendez-vous le président, on a dit, monsieur, il est chez vous, lorsque nous venons chez vous, dans votre présence, nous n'entrons pas comme ça, ici, vous n'entrez pas comme ça. Tant que je suis ici, vous n'entrez pas. C'est un gendarme. les gens ont appelé le président, appelle le général le général qui s'occupe de cela. On a appelé le colonel, on a appelé c'est tombé encore sur lui, dit lui me respecte colonel, je n'ai pas demandé qu'il n'entre pas, il m'a dit qu'il soit conforme avant d'entrer. C'est encore, vous savez, la politique c'est comme ça. Ça remonte encore jusqu'au président. Le président dit que oh le garçon là qui est là-bas dérange, on fait comme ça. Pendant qu'il tourne comme ça, le temps passe, le garçon est resté là-bas, les deux sont entrés voir le président. Vous voyez à la télévision le soir des choses se passent, et tel méchant a rencontré le seigneur et le président, ils ont fait comme ça. Quand ils sont rentrés, c'est le général lui qui a quoi appeler un petit, tu as bien te traiter comme ça. Mais là, c'est un général appelé, là, c'est un dit que quel diable, ce sont les vérités de moi, je préfère vous. Il dit que sous respect, mon général, il doit respecter les noms. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Prends cet exemple, dit, bien sûr, on a le poste. On dit, voici le concours. On va prendre le meilleur. Ça, c'est le concours pour la médecine. Vous avez entendu des choses qui sont parlées assez alériques. Ça, c'est mieux que les fasses voilées parce que ça touche les gants. C'est ça que ça sort comme ça. Les autres concours, là, on n'en parle pas. Mais on sait que c'est la norme. Alors voici un concours pour la médecine, pour choisir les prochains médecins qui vont soigner, et vous, et moi, et les enfants. On dit, on doit prendre les meilleurs. Quelqu'un a 17 de moins. On le fait échouer parce qu'il est d'une certaine province, d'un certain endroit du pays. L'autre qui n'a même pas composé. On le fait passer. Vous entendez quoi? Celui-ci pourra opérer quelqu'un demain. Lui aussi le malade, c'est pour ça que quand c'est malade, il fuit le pays. Parce qu'ils savent que les médecins qui sont là-bas. J'ai mon ami qui vient ici, qui est docteur, son ami lui-même est dans la médecine. Vous savez ce qui s'est passé? Son ami, son père est ministre. Il fréquentait comme il était délinquant, le sort des concours de la médecine s'est sorti. Son père lui a dit, tu as deux options. Soit tu entres à la médecine, vous appelez le CUS, soit il t'envoie à l'étranger. Comme il a entendu étranger, il a dit que non, lui je vais à l'étranger. Je vous explique seulement les choses qui se passent au pays, ce sont les appels des choses qui se passent, ce sont des bombes. Alors, le garçon, après son père lui donne l'argent d'aller déposer le dossier pour faire le concours là. Il a déposé le dossier, le jour d'aller composer, il ne partait pas composer, il sortait bien, on lui donnait l'argent, il partait jouer là, jouer. Parce qu'en réalité, il voulait comme ça fuir pour que le concours ne passe pas, pour qu'il parte plutôt pour voyager, comme il a entendu l'option de voyage. Alors, le soir, il rentre avec ses amis. Toute la réunion avait, le jour où le retard est sorti, toute la réunion, le ministre a invité ses amis, ils avaient acheté le whisky partout, le garçon entre avec ses amis, brrr. Tout le monde se dit, oh, félicitations, c'est mon ami qui a dit me raconter, c'est son ami, il est là maintenant aujourd'hui. Il dit, félicitations, il dit, c'est quoi? Il dit, tu as passé le concours de cuisses. Le garçon lui est abasourdi, il est dépassé devant son père, devant les invités, il n'a pas gardé son cas, il dit qu'ils n'ont même pas composé. Chacun a fait comme ça, mais tout le monde avait compris. Dont son père voulait seulement qu'il part faire figure. D'autres, j'ai porté un policier ici pour aller laisser là-bas, je traversais la route pour aller, je l'ai traversé là-bas, j'ai porté. J'ai dit mon gars, c'est comment? On a commencé à poser dans la voiture. Il m'a dit, laisse-moi comme ça, j'étais à Londres en train de jouer au ballon. Comme mon âge était avancé, j'étais parti avec un faux acte. Mes pieds devenaient de là du, mes yeux devenaient du. Mon père m'a appelé, a dit que tu as passé le concours de la police. Celui qui me dit, il est là, chaque fois il passe, je le vois. Il dit, son père, il était à Londres. Son père dit que tu fais quoi à l'étranger? À l'étranger, viens, tu as passé le concours de la police. Le concours de la police, c'est tes enfants ici. Pour qu'ils passent d'abord, fais signer le dossier. C'est un problème, toi, tes enfants. Il faut que vous vous levez tôt pour aller vous aligner. Mais quelqu'un à l'extérieur, on lui explique que tu as passé, viens commencer. Quand vous entendez ces choses-là, et que vous avez composé, prêté de l'argent pour faire, juste de vous montrer seulement les petits atomes. Et que quelqu'un sort de l'extérieur, il n'a que de l'air. Et vous voyez que c'est la personne qui n'a même pas compris, qui ne voulait même pas qui se trouve là-bas. Vous voyez pourquoi les gens se révoltent, n'est-ce pas, frère? Voilà des choses qui se passent comme ça. Le concours de la police qui s'est passé, vous voyez ce qui s'est passé. Actuellement, on veut parler à l'école, les gens continuent toujours à y entrer. C'est-à-dire, quelqu'un reste comme ça, on dit que va, le directeur, on dit que reçoit cette personne, il vient le pied comme ça. Il entre, on dit va en classe, va en classe. Le concours. Ce sont ceux dont la tête plus tard, que comme il n'a pas fait d'effort pour y entrer, que ce soit dans un bureau, l'ennemi entre dans un poste, on sort 200 millions, on est là, et laisse les éléments passer pour aller faire du mal à ton peuple. Il s'en fout de cela parce qu'il n'a pas dans son cœur le patriotisme, le sens civique. Qu'est-ce qu'on attend à ces choses-ci? Voilà dans les choses. Et la Bible déclare dans cette psaume 33 que nous avons vu tout à l'heure là que Dieu aime la droiture et la justice. La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, comme je dis dans cette même circonstance, c'est ça bon si la base sur laquelle Dieu assis c'est justice et équité. Donc, tout peuple qui fonctionne comme ça, regardez tous les peuples et toutes les situations qui ont chuté. Regardez à derrière, vous allez voir l'oppression des pauvres, des orphelins, l'injustice. Quand ça fait comme ça là, c'est voué à l'échec. Et c'est ça qui va arriver dans mon pays. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et ça ne va pas durer. Ils vont encore manquer de choses. Regardez seulement l'électricité, comment c'est cher. Regardez l'eau que nous avons été en abondance. Toutes les ressources naturelles que nous avons en abondance. Mais les gens continuent à souffrir comme dans un pays qui n'a pas ces choses-là. Et on se tape chaque fois dans les discours. Le Cameroun est un pays, et l'Afrique a une étude. Donc tout ce qu'on trouve quelque part, ça se trouve ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait pour le peuple? La question maintenant, c'est qu'est-ce que le peuple, lui, il devait faire? Est-ce en poussant dans la révolte? La déclaration universelle des droits de l'homme dit que quand le peuple est au procès, qui est dans son dernier retranché, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est la révolte. Donc, les hommes lui donnent le droit de révolter. Mais la Bible dit, le peuple doit plutôt prier. C'est le rôle des prédicateurs au niveau de la foule pour dire que les agitateurs de la foule ne vous amènent pas dans cette direction, que chacun dans son domaine. Parce que les gens qui sont dans la foule, qui disent que il faut que tu rejoignes cet homme, si on te prend dans ton domaine dans lequel tu travailles, il y a parmi eux des commerçants. Ceux-là, eux, ils courent pour aller dans les partis politiques pour ne pas payer les impôts. Parce qu'il y a la camaraderie. On sait que si on est à l'intérieur, on peut faire passer nos machines. On ne paie pas les impôts. Demain, ils sont dans la rue pour aller bréver. Pourtant, ça veut dire que les gens se trouvent, ils font les mêmes fraudes que ceux-là à grande échelle. Donc, ça veut dire que chacun de nous, en tant que peuple, en tant que membre du peuple, doit résoudre le problème d'abord de façon suite dans ton cycle, dans ta circonférence. Vous vendez quelque part, refusez la fraude. Vous travaillez quelque part, travaillez avec droitus, le travail que vous devez faire, c'est-à-dire si plus tard vous allez quelque part, si on vous amène, il y a beaucoup de personnes qu'on a amené en prison parce que longtemps on a vu sa signature et il avait fait des fautes, pas vrai, sortez avec la tête haute. Donc même si on veut vous injecter de votre siège parce que vous avez mal fait, que vous sachiez que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous n'avez pas de conscience sur vous. C'est ce qu'il faut faire. Si chacun donc fait ces choses-là, le Cameroun se portera bien, et les Camerounais se porteront bien. La corruption est déjà ancrée dans les eaux. Quand vous êtes dans la voiture, vous voyagez, vous voyez, vous restez, le policier fait pire, le chauffeur ne sort pas avec les dossiers. Le chauffeur ne sort pas avec les dossiers. Quand ce sont les cas, le chauffeur ne sort même pas, c'est son motoneur qui sort, il va faire vite, on part. Le policier est censé contrôler s'il y a des bandits dans la voiture. S'il y a des c'est son rôle. Il peut imaginer la voiture, faire que les gens descendent, c'est son rôle. Vérifier si les boîtes à pharmacie, les boîtes de premier secours, c'est son rôle. Mais vous voyez, vous voyez une voiture devant vous, de vous. La fumée, c'est le moment que les tuyaux de chauffement dégagent. C'est ça qui crée les accidents, parce que derrière, les gens ne peuvent pas voir. On dit ça à la visite technique. À la visite technique, on est à venir, on a dit négocier, écrit que c'est bon. Vous voyez le problème de la visite technique. La personne qui vend les roues, il vend les faux roues. Donc, la roue de la voiture a été achetée frauduleusement. Pourquoi c'est pas frauduleusement? Le gars ne veut pas jeter les enfers, parce qu'il allait à la douane pour le douanier, il a aussi payé. Vous voyez comment la chaîne de corruption s'entraîne. Depuis la douane jusqu'à la voiture, à la visite technique, est incriminée par le policier. Maintenant, le problème, c'est toi qui es dans cette voiture. On a écrit que la voiture est bien, les freins sont bien. Tu pars dans la voiture, les pneus, la pneumatique est gâtée. Et tu passes là-bas, le policier ne stoppe pas là. Il vous laisse aller, 2 minutes par heure, vous êtes mort. Celui qui vient là-bas, il vient mettre notre espace. On dit que voilà, c'est gentil. On décrit l'état de la voiture, l'état de la route, ça ne fait rien à personne. On ferme, on continue. Le policier fait la même chose. On dit, la loi dit par exemple que les grumeaux, chauffeurs grumeaux ne roulent pas dans la ville avant 18h. À plein 13h, tu le vois dans les embouteillages avec les taxis. Chaque jour, la chaîne coupe, ça casse les voitures. Ça tue les familles dans les taxis, ça les appuie. On dit, on finit. La loi est là. Ça les dit clairement, elle est interdite de rouler à cette heure-là. Quand on finit, quand il passe, le policier est là en pleine route. Il les laisse passer, il se salue en même. Il passe pour aller tuer quelqu'un. Vous voyez là où on en est, pas fait. C'est ce qu'il en est. Suivant aussi. Donc verset 14, verset 15 encore dit, Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, le Seigneur regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Mais vous comprenez que ce n'est pas les démons qui passaient pour repousser, c'était l'ange de Dieu qui frappait. Et les gens sont morts de façon innocente, sans savoir ce qui leur arrivait. Les 70 000 personnes sont mortes. Quand vous leur demandez que tu veux mort pourquoi, ils sont dans les derrière collecteurs. Aucun membre de la famille de David n'est mort dans cet incident. Qui a pris la décision? Si on dit maintenant que personne couvre-feu, à qui est-ce qu'on dit couvre-feu? Vous avez vu une voiture, on a écrit chef de mission diplomatique, MD ou bien corps diplomatique, quand on bloque en route. Donc tu vas prendre ta passe, tu vas aller chercher l'eau. Et là, c'est même l'hélicoptère peut amener. Tu vas faire comment? Donc comment ça vous entraînez à boire l'eau du marigot? L'eau du marigot, l'eau du puits. Comment ça vous entraînez pour que votre organisme fait? Préparez-vous. Sortons, fermez-vous, on la vivre, on va prier. Ouais. J'ai pris le coup de fil appelé. J'ai contacté 3 personnes parce que je sais que quand c'est à leur avantage, chacun comprend, ils prennent. La fois que nous donnons notre visa au principe par rapport au Boko Haram, ils ont pris en considération. Là maintenant, ça a vite marché. Quand ils donnent l'ordre par rapport à ce qu'il y a quelque chose qui a été préparé dans un pays arabe de ce côté qui concerne le Cameroun et au Nigeria, ça n'a pas. Il dit, je vous le dis ici maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La personne m'a appelé, il a dit waouh, que c'était véritable. Ils ont vérifié jusqu'à l'hôtel, ils ont pris les gens dans l'hôtel, là-bas, dans le pays étranger. Ils sont allés à l'hôtel avec le nom de l'hôtel. Il dit, c'est là-bas. Ils ont pris. Là, tout le monde était d'accord, ils ont pris. Il dit, oh, ok, maintenant ici, à Douala, il y a quelque chose qui a été préparé dans cette zone-ci. J'étais surpris quand j'ai appelé, parce que je suis allé là-bas, quand j'ai vu sur le terrain, j'ai appelé. J'ai dit, l'aéroport de Douala n'est pas sécurisé. Voici ce qui s'est laissé tramer. Faites comme ça. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, on a versé les policiers partout. On a dit que vous ne pouvez plus entrer, avoir accès ici. Nous ici. Alors qu'avant, vous partiez jusqu'à là-bas devant la soif, frère. Et vous venez, vous dit, voici ce qui se passe, voici ce qui s'est laissé tramer. Ça a pas fait deux jours, on a arrêté tout un gang là-bas, en sortant du quartier qu'on était bon, on les a filés jusqu'à l'aéroport. Ils étaient au moins 45. Mais personne ne fait cela. Ils veulent dire que quand c'est à leur avantage, quand ça touche leur intérêt, ils doivent faire. Mais quand ils disent la même voix dit que Dieu commande qu'on amène le jeune sur ce pays-ci, on ne dit pas, on dit il dérange. Parce qu'ils veulent les informations fiables, vérifiables. Il y a des informations spirituelles qui ne sont pas fiables. Dieu lui commande. Sinon, le sinon là c'est ici, même si on coupe mon cœur, je ne dis pas. Sinon, mais regardez, je dis, ok, ici il y a quelque chose dans tel pays, c'est trois pays. Tel pays africain, tel autre pays africain, voici ce qui se passe. Il dit donc trois jours, il m'appelait, il dit, on est allé dans le temps, on les a pris exactement tel que tu avais dit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas comprendre que la même voix en train de dire que voici la direction du Seigneur? Et je vous ai dit, les vieillards qui sont là-bas, Dieu va les balayer un à un. C'est ce qu'il dit. C'est la rédemption là maintenant du Cameroun. Mais c'est le jugement, ça va passer par là-bas. Mais ce que je regarde, c'est ces gens, si vous savez, quand c'est un père d'enfant. Voici un père d'enfant, vous voyez comment on maltraite les gens qui sont habitués à être confortables et qu'on les laisse trimballer. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Samuel Doe, ce qui s'est passé au Libéria avec Samuel Doe. Comment on coupe, il parle de Samuel Doe, comment on coupe l'oreille d'un chef de l'État. On lui met dans la bouche, on mange en filmant. C'est désolant. C'est déshonorant. C'était quelque chose d'arriver dans mon pays. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. Chaque sang qui est versé sur ce pays et que les gens restent tranquilles. Chaque coupe de sang qu'on verse, les organes qu'on tue, et que les gens ont dit, on a ouvert le dossier, on ne ferme pas, ça crie à Dieu. Et tôt ou tard, Dieu va frapper le pays. La Bible déclare que ce n'est même pas Dieu qui fait le faire, c'est à cause du fait que le pays crie dans vengeance. La terre du pays crie. Et nous devons supplier alors avec cela pour intercéder. Mon rôle maintenant, ce n'est pas que Dieu arrête ça, parce que c'est inarrêtable. C'est que, un, Dieu préserve ses enfants. C'est pour ça que de l'autre côté, je vous dis seulement, vous marchez dans la droiture. Pour que Dieu ne vous confonde pas, quand l'ange va venir frapper, on voit vraiment que en vous êtes les Égyptiens. Non. Marchez dans la droiture. Parce qu'il a dit que l'aide est sur les justes. Et garde ses fidèles, même au milieu de la famille. On a dit ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Il va nous préserver. Qu'il met sa marque sur ses enfants partout dans le pays. Et surtout que la révolte, parce que c'est ça qu'il avait dit, que ça ne prend pas l'ampleur que ça va prendre. Parce que je vous ai dit, la deuxième fois, ça fait depuis 3 ou 4 ans qu'ils ont dit quelque chose, que les catégories des démons que j'ai vues dans la deuxième chose qui est venue, c'était terrible. Le feu était partout. Quand il parle de feu, ce n'est pas le feu qu'on tue, on brûle. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel, et là, sur le plan physique, ça se manifeste différemment. Je les vois seulement voulu le feu, cracher le feu. Il n'y avait nulle part pour cacher. Alors, donc, quand ils saisissent les gens comme ça, les mains de feu, vous pensez que la personne est droguée. C'est pas que la personne est droguée, il est sous le contrôle des puissances sataniques. Alors, dans le pays, on a des gens comme ça. Il y a des démons venus en chair qui nous dirigent, ils sont partout. Donc, quand vous souffrez, là, ça nous fait à ce moment-là. Quand vous souffrez, que lui, il est à l'aise. Quand il y a le mal, il se sent à l'aise. Quand Dieu vous crie injustice, il ne comprend pas. Donc, pour lui, l'injustice, c'est la justice. La corruption, c'est bon. Donc, quand vous allez crier, lui, il ne voit pas de mal à cela. D'accord, frère? Donc, prenez le temps de lire Daniel chapitre 2 jusqu'au chapitre 6. On peut prier. Des sombres nuages sont sur le pays. Oui, pose la question. Quand tu dis qu'on marche dans la droiture, oui. Par exemple, comme moi, oui. Comme je travaille à mon travail, oui. Tu sais qu'au contrôle, c'est très loin. Attends, il n'y a pas de cas 1. C'est mon patron qui va. Parle à ton patron que tu veux marcher dans la fausseté. Si c'est à lui de faire, tu le fais, tu ne fais pas. Ne fais pas au mal. La Bible est claire, les premiers points pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prends pas. Condamnez-la. Dites cette partie. D'abord, moi, je vais l'arrêter. Contrôle. Donc, vous autres qui voulez faire que vous voulez investir, n'ayez pas peur. Il va les prier dans la chambre pour cela. Je dis, ok, maintenant, la situation, le pays se présente comme ça. N'ayez pas peur. Beaucoup de choses seront à l'avantage des enfants de Dieu plus tard dans ce pays-ci. D'accord. Souvenez-vous de ceci. lorsque Akan a péché dans le livre des juges, juges chapitre 7, lorsqu'il fallait détruire ça, tout ce qui lui appartenait, ça a disparu, n'est-ce pas? Dieu connaît ce qui t'appartient, il connaît ce qui ne t'appartient pas. Vous voulez investir, ne vous inquiétez pas. Investissez, faites confiance à Dieu, d'accord? Amen. Investissez, n'ayez pas peur. Sinon, vous allez fuir votre maison. Non. Donc, investissez, vous devez investir. Investissez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur, avancez, parce que Dieu a le regard sur vous. D'accord, frère? Donc, prions pour que la puissance de la révolte ne prenne pas, que les gens ne prennent pas en considération cela, l'appel à la révolte. Il dit bien, c'est là où il faut accentuer. Parce que si un appel est donné et que la masse ne suit pas, ça n'aura pas d'effet. Amen. C'est là-bas qu'il faut accentuer, d'accord, frère? C'est là-bas qu'il faut accentuer. Oui, frère. Oui, j'ai une préoccupation pour avoir vécu en direct les émeutes. Au Gabon. Les révoltes au Gabon. Au Gabon, oui. Connaissant la vérité oui. de cette affaire. Oui. Moi, je ne veux pas être peut-être dévoilé. Moi, ça m'a fait peur. Oui. Parce que je me souviens, il n'y a même pas eu d'appel oui. à la révolte. Oui. On n'a pas dit tout le monde. Mais les gens sont juste spontanément dans les esprits. Spontanément, les gens ont envahi, oui. ont cassé, ont brûlé. Nous tous comme ça, étaient des victimes. C'était au profit, voilà, c'était au profit de qui? Quand on a cassé, qui paie? C'est justement ça. Le régime n'a rien suivi en tant que tel. Voilà. Maintenant, c'était les pauvres populations. Vous avez encore nettoyé. Les pauvres Maliens, parce qu'au Gabon, on a beaucoup de Maliens, des Sénégalais qui ont investi. Oui. C'est eux qui ont perdu leur boutique. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la politique de Bongo, la famille Bongo? Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien à gagner. C'est ça qui montre effectivement que la révolte n'amène pas la solution. La révolte fonce encore davantage le peuple et crée des distances, des sanctions. Et maintenant, pour chuter, oui. par rapport à ma question, oui. est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité de prier Dieu? Oui. Parce que les choses, c'est les mêmes. Pour avoir parcouru toute l'Afrique centrale, peut-être toute l'Afrique. Tu vois que c'est la même chose. C'est la même chose. J'étais au Congo pour organiser les élections. Oui. J'étais oui. au Tchad pour organiser les élections. Oui. En Guinée équatoriale, même c'est la même chose. Au Gabon, même là où moi-même j'ai les chiffres, oui. c'est pire. C'est pire. Est-ce que c'est le résultat qu'on donne dans les médias sont totalement différents de ce qu'il a. Que moi j'ai, oui. avec les problèmes oui. que j'ai, ce n'est même pas, ça ne reflète même pas. La ce qu'on a présenté. On nous a même coupé internet, tout. Pour qu'on ne communique même pas, pour qu'on ne donne même pas les résultats. Oui. Maintenant, est-ce que la solution ce n'est pas de penser pas à prier Dieu, à nous enlever tous ces dinosaures-là, et à être un homme qui craint Dieu ça, pour diriger le peuple? Ça, ça arrive. Ça arrive, mais chaque chose en son temps. J'avais dit dans un autre enseignement que prions Dieu pour qu'il nous donne tous les antichrists, qu'il nous donne un bon antichrist. C'est ce qu'il avait dit, c'est pas vrai? Un mot mauvais, quoi. Oui, un mot mauvais, oui. Parce que lorsque le système, le demande s'installe, au fur et à mesure, il s'accentue tout simplement. Il s'accélère. Ceci, ça a donné cette tentative partout. Mais j'ai dit quelque chose encore dans l'autre enseignement, que Dieu est en train de balayer les anciens. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ça ne va pas se passer sans casse. Mais vous enseignez dans le truc de conflit, dans les relations de conflit, qu'il faut identifier les spots, les principes de conflit et apporter des solutions. Remarque bien dans votre cours que vous pensez à tous les conflits, la façon de résolution, sans Dieu. Nous sommes d'accord. Vous apprenez ça. Identifier les conflits, les choses majeures pour regarder la conciliation, regarder les tables de négociation, regarder les intérêts et autres, c'est ce que vous enseignez. Est-ce que dans ce cours-là, il y a un seul endroit où on a vu? Je ne parle pas de la spiritualité. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que vous mettez Dieu en dehors des affaires humaines. Le fait de faire comme ça, élimine Dieu d'intervenir, donc on en donne la place aux démons. Et si vous dites à Dieu, ne viens pas dans notre résolution, vous ne pouvez pas faire de telles choses. Le vrai problème politique naît du spirituel. Tout changement de gouvernement sur le plan ici ne se passe jamais sans qu'il y ait renversement en haut. Aujourd'hui, il y a dans un enseignement là qu'il y a bagarre en haut. Ça se discute sur le ciel du Cameroun. Parce que le gouvernement est établi déjà dans le ciel. Le nouveau gouvernement camerounais est établi dans le ciel. Je connais maintenant où il est et qui il est. Le frère s'est dit que dis-moi son nom. Allez aussi là-bas, allez capter Radio Ciel. Allez capter Radio Ciel. Il n'est pas la télé extérieure. Alors, des choses qui se passent, nous attendons, nous voyons ce on sort aujourd'hui, on sort, boum, quelque chose s'est passé. Mais au fur et à mesure que j'en ai parlé, des choses viennent, que je dis. Je dis qu'il y a une nouvelle, j'avais dit ça, n'est-ce pas? Il y a une nouvelle, une nouvelle qui est en train d'arriver, qui se prépare, une nouvelle qui se prépare, n'est-ce pas? Et j'ai dit un week-end. Voilà des choses qui sont dites. Vous dites, et ça sort comme ça. Au fur et à mesure, un de ces juges, vous allez voir la somme de toutes ces choses. Un de ces juges, dit, je regarde un événement qui est en train de se passer, je regarde, ce que j'ai regardé, c'est que j'ai vu le pied du policier dans la rue, il y a de l'eau dans le sol, c'est comme si c'était en saison pluvieuse, que cet événement se passe. Il y a le calme, mais ce genre de calme est comme s'il y a il y a des possessions fait pomme. C'est quelque chose qui se passe. Il dit c'est comme ça qu'il peut décrire ce scénario-là. C'est comme si le temps a été en pause. Tout est calme. Chacun là s'observe. Vous savez quand les coqs, vous mettez deux coqs, chacun gonfle le truc. Vous lancez le carreau devant de lui, l'autre quoi que c'est, l'autre qui est attaqué, l'autre quoi que c'est, l'autre qui est attaqué, en voyant son dans la bagarre. C'est cette condition-là que j'ai vue là-bas. Il y a même des gens encore dit, je l'ai vu faire un voyage et on a acheté le cœur de ceux qui sont autour de lui. Voilà, il y a tellement de choses, frère. Tellement de choses. Mais il dit, chaque fois qu'il regarde, c'est sa femme qui le fait plaisir. Parce que, au moins, à 80 fois, j'ai vu sa femme. Même dans leur cuisine, je suis entré, je les ai vus positionner comme ça, causant. J'ai vu ce qui arrivait. J'ai vu les gens qui me parlaient après le départ de celui-ci. Moi, j'ai pris effet. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai dit, j'appelle, il dit, voici votre message. Est-ce que, j'ai appelé, si je prends mon téléphone, je vous montre le message que j'ai écrit à l'autre. Excellence, j'ai un message pour notre maman. Et prends mon téléphone à mon épouse, je vais vous lire le contenu du message. Vous voyez, quand c'est le message, ils sont trop. Quand c'est le message qui concerne les trucs, personne ne répond. Mais quand c'est le message qui est à leur avantage, en octobre, je crois que c'est le 13 octobre, j'ai dit, excellent, je suis à Yaoundé, voici le dossier que j'ai pour vous et autres là-bas. Il dit, là, directement, il a dit, dépose au palais, supplie avec mon nom. J'ai déposé. J'ai dit, non, je ne dépose pas, je ne suis pas allé au palais. J'ai appelé un des gens qui sont là-bas, il est venu à la maison, il a pris, il allait donner. Là, c'est passé. Après, il dit que Dieu te bénisse. Il a dit Amen. Là, Amen est bien rapide. Je vais vous lire ce que j'ai écrit là. Je vais vous allez voir avec la date. Elle a vu le téléphone là. C'est terrible, c'est ce pays. Donc, quand j'ai appelé celui-là, il dit qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier cette situation. La dernière fois, il m'a dit il est à Genève. Il a appelé l'autre, il a dit non, que ça ne passe pas par là. Vous appelez celui qui a la sécurité au secrétaire. Il a dit non, c'est chose privée, ne passe pas par là-bas. Ça passe par cette autre. Il a appelé cette autre là. Est-ce que tu as remis en main propre au président? Il dit que oui, quand il revient de Genève, je lui ai donné. Il dit, qu'en a-t-il fait quand quelqu'un voit de ces événements? Parce qu'il a écrit, vous savez, ce sont les gens, les techniciens, il écrit avec le code des renseignements. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Donc, comme il y a le nom, je préfère cacher le nom parce que vous êtes trop fort. Au lieu de lire le message, vous lisez plus le nom de la personne, il y a des agents de renseignement ici. Voilà ça, Shalom, etc. Vous allez le voir, non? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Excellent, j'ai des messages pour la maman et notre papa. Vous voyez comment je les appelle? Comment puis-je faire pour vous faire parvenir cela? Je suis à Douala et je reste à votre disposition. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes le 26 décembre 2016 à 12h32. Maintenant, voilà des autres messages. Regardez, vous voyez comment elle est écrite. Pour l'autre, ça c'est le 13 octobre 2015. Quand je suis allé pour l'autre message, regardez. Il dit, bonjour, il n'est même pas possible de vous recevoir. J'ai beaucoup de boulot en ce moment. Vous pouvez me déposer le courrier sous pli fermé à la guérite du palais à mon nom. Shalom. Alors, quand ce sont des choses comme ça, là, il fait. Mais il y a des messages qu'il faut transmettre. Il ne faut pas écrire tout ce pour donner. Parce qu'il faut que la personne te regarde, qu'il regarde dans ses yeux. Si il a le goût, vous vous faites face. Il dit que voici la voix de Dieu. Maintenant, si cet homme se dit, ok, j'ai contacté madame. Il a dit qu'il veut te rencontrer. Je me lève maintenant, je pars maintenant. En disant, Seigneur, je pars. Si il ne rentre pas, je ne suis pas rentré. Mais parce que ce sont les messages que les gens entrent, les messages qui disent, oh, Dieu va te bénir, il va te libérer à notre poste élevé. Et la personne rentre avec des millions. Déjà, le message que je porte sur mon cœur, ce n'est pas le message qui donne les millions. C'est le message que tu adores. C'est quand tu dis là-bas, si tu sors, quand tu sors, tu traverses ce qu'on ne voit pas, il faut courir. vous êtes témoin. Voilà le message que j'ai envoyé. J'attends toujours. Donc, je passe par celui-ci. Il passe par l'autre, ils sont au moins 3 ou 4. Il passe par l'autre pour que le message atteigne la cible. Pourquoi on ne dit pas comment tu as fait comment pour y arriver? Donc prions. Autre préoccupation? Prions. Donc vivez dans la sainteté, dans la droiture, que la corruption ne passe par vous. Parce que si la corruption passe par vous, on dit que le Cameroun est corrompu, sache que toi-même tu y es impliqué. On se comprend, hein? Si on dit qu'il y a trop d'injustice, ne m'ouvre pas ta bouche pour dire qu'il y a trop d'injustice au Cameroun, alors que dans ton environnement, tu as même d'accomplir les mêmes injustices. Parce que eux, c'est à grand échelon, pour nous, dans notre domaine, vivons droitement. Il faut qu'on voit la différence entre le peuple saint et le peuple qui n'est pas saint. D'accord? Autre chose maintenant, quand vous aimez le débat, vous êtes trop, vous avez rejoint le rang des partis de position où vous expliquez les choses inexplicables. Éloignez-vous du débat à l'extérieur, du débat politique, ne vous en impliquez pas. Restez seulement dans la prière. Si on dit qu'il y a débat sur le plateau de ceci, restez tranquille en dehors, même si vous suivez, restez tranquille en dehors de cela. Ne portez pas le péché, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Les spécialistes du jeu politique de ceci, économiquement, ils disent quelque chose, ils auront raison dans leur domaine, mais ils n'auront jamais raison sur le plan spirituel. Donc, Emmanuel, nous en prions. Prions donc que Dieu touche les consciences du peuple camerounais, qu'au lieu qu'ils entrent dans la révolte, ils n'écoutent pas la voix de la révolte, mais qu'ils viennent à leurs genoux, comme nous sommes de mettre à genoux maintenant, pour se tourner, se détourner de leur voie de péché. D'accord, frère? Prions. C'est la solution pour notre pays. La solution pour notre pays passe par la réconciliation avec Dieu. D'abord.